Addition cotoré, pédage pénique, la consanguinité considérée comme chic. Les moins de 50 ans paraissent louches, c'est normal pour être cool, il faut porter des couches. Le rugby comme religion et le foie gras pour science, votre débilité cause de mon intolérance. Les personnes normales se comptent sur les doigts d'une main et ne parlent quasiment qu'à leur chat ou leur chien. Cherche pas de shit ici, y'a que de la cave. Et vu l'ambiance, la défonce et bien tout ce qui calme. Le pays de D'Artagnan rongé par la connerie, et la seule solution c'est dégager d'ici. Ça gaz, ça gaz. À Auschwitz, à Auschwitz. Ça gaz, ça gaz. À Auschwitz, à Auschwitz.